encore toute une nuit à ne pas oser mourir, à voir couler les larmes de mes yeux agonis. Encore ce même matin qu'hier, mais en toujours pire. Aux sirènes de l'espoir mortes noyées dans leur lit. Cet indicible amour grandissant pour les autres, ce qui réveille en moi cette pulsion de mort. Et la preuve que, comme Christ parlant à ses apôtres, j'aime à me voir souffrir et j'en demande encore. Encore une journée à décourager le mieux, à poser mes ratures sur l'autel de l'ego. Hésite en chaque instant entre l'alcool et Dieu. Tout ce qui réparera ce pauvre cœur en lambeaux. Où sont les jeux d'enfant, l'insouciance du môme, envolée à mes 5 ans par ce viol malsain? Je cherche en ma mémoire souvenir en Kodachrome, les traces d'un secours, l'espoir d'une main. L'existence est un souffle plus ou moins agréable, asthmatique de la vie avec un cœur en ruine. Ma respiration n'est même plus acceptable. Je cherche le repos sur tes seins ventolines. J'arrive dans les abîmes du tout insupportable, avec un cœur qui cogne dans des pognes bien fermées. Adieu toutes ces